Chapitre 161. Invoquer Allah en faveur du mort après l'enterrement et se tenir près de la tombe un certain temps pour des invocations en sa faveur, implorer Allah de lui pardonner et lire le Coran. 946. D'après Abu Amr, surnommé aussi Abu Abdillah, mais aussi Abu Layla, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, après avoir enterré un mort, se tenait devant la tombe, puis disait « Implorez le pardon pour votre frère et demandez à Allah de l'assister dans ses réponses, car il est maintenant en train d'être interrogé. » Abu Daoud. 947. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, a dit « Lorsque vous m'enterrerez, tenez-vous autour de ma tombe le temps que prend en général l'un d'entre vous pour égorger un chameau et en distribuer la viande. » Afin que je puisse jouir de votre compagnie et réfléchir aux réponses que je donnerai aux messagers, les deux anges de la mort, de mon Seigneur. Muslim. L'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, a dit « Il est recommandé de lire le Coran, en entier si possible, auprès de lui. » Note du traducteur. La majorité des savants considèrent que la lecture du Coran auprès des tombes est une innovation religieuse condamnable. Aucun texte scripturaire ne vient en effet prouver qu'une telle pratique est légale et confirmer par là même les paroles de l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, en admettant bien sûr qu'il en soit réellement l'auteur, ce qui reste à prouver.